Cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation, je peux enfin avoir le plaisir de vous dire ceci. Je vais vous présenter le tout nouvel album de l'excellente formation polonaise Behemoth. Oui, enfin, après plus de 4 ans, Behemoth nous offre de satanistes. Mais avant d'en arriver au dessert, il faut préalablement avoir pris son entrée et repas principal, qui seront constitués respectivement du Big Four et suivi d'un bloc à forte tendance progressive. Par la suite et seulement, si vous n'avez rien laissé dans vos assiettes, vous aurez droit à Behemoth. Ah oui, j'oubliais. Si vous faites des restants, en plus de ne pas avoir de Behemoth, vous devrez écouter toutes les reprises de Star Academy en continu jusqu'à ce que ce mort s'en suive. Et croyez-moi, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque dans mon cas, le titre médecin rime très bien avec inhumain. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon said so, so, so. Go.

recherche. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Oui, toi, t'as bien compris. Rejoins l'équipe de C'est fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, puis là, j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. Cette première de février, 4 février de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne en musique, en métal et en toute autre chose étrange jusqu'à 21h. Une émission encore une fois fort chargée comme à l'habitude, et ce malgré le fait que mon ténébreux camarade et assistant ne soit plus de la partie. On va avoir quand même beaucoup de choses, on va avoir des chroniques cinéma, quelques petites chroniques musique, mais qui sont quand même assez légères cette semaine. Mais quand même, point fort de cette édition, la présentation du tout nouvel album encore tout chaud, formation polonaise Behemoth, l'album de Satanist, qui... Après, je dirais, 2 écoutes au plus, m'a grandement plu. Mais comme je le disais avant en présentation d'émission, il faut savoir, avant d'arriver au dessert, avoir mangé son plat de résistance. Et en fait, vous aviez l'entrée à l'instant qui était le Big Four. En temps d'information, Slayer et la pièce At Down They Sleep, tirée du très bon album Hell Awaits, qui est paru en 85 sous l'étiquette Metal Blade. Metallica. Et la pièce Creeping Death, qui... je dois dire, j'aime encore cette pièce-là. J'avoue candidement que j'aime encore quand même pas mal cette pièce-là. Ben, il faut dire que c'est juste le deuxième album de Metallica aussi. Moi, j'arrête à peu près au troisième. Je force pour le quatrième, là, mais bon. Donc, Creeping Death, qui est tiré de l'album Ride the Lightning, qui est paru en 1984 sous Elektra. C'est bon, Megadeth et la pièce Wake Up Death. Quel excellent riff de guitare que Wake Up Death, une pièce qui est quasiment instrumentale. C'est la pièce d'ouverture de Peace Sells, Bottles Buying, qui est paru en 86 sur Capitol. Et encore ici, je dois dire que je suis pas un gros fan de Megadeth. Par contre, il y a de très bonnes choses qui se sont faites dans les premiers albums et dans les derniers. Entre les deux, j'ai un peu de misère. Et nous avions ouvert ce bloc avec Anthrax et la pièce Gung Ho. Pièce qui clôture l'album Spreading the Disease, qui était la deuxième parution de cette formation, paru en 85 sur l'étiquette Island. Je vous disais tout à l'heure qu'il y aura des trucs côté cinéma. J'ai pas écouté énormément de choses la semaine dernière parce que j'ai décidé que je me faisais un micro spécial Quentin Tarantino. Donc, je me suis tapé Reservoir Dogs et immédiatement après Pulp Fiction. J'avais en tête, là, écoute, c'est un peu farfelu l'histoire, là. J'avais en tête initialement de me taper à peu près tous les Tarantino dans la journée, mais je me suis rendu compte que finalement la journée, c'était peut-être pas suffisant pour me taper l'ensemble de l'œuvre. Donc j'ai commencé plus tard que prévu, donc j'ai écouté quand même 2 majors de sa filmographie, soit comme je disais, Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Et d'ailleurs, quitte à le faire immédiatement dans la section chronique cinéma à revoir ou à découvrir. C'est effectivement ce que je propose cette semaine. C'est Reservoir Dogs, film de 92, qui est bien entendu réalisé et même interprété par Quentin Tarantino, qui met en vedette principalement Tim Roth, Harvey Keitel et Michael Madsen. Et je sais pas si vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Reservoir Dogs. C'est quand même le premier film, le long métrage proprement dit, là, à être vraiment reconnu et apprécié des fans de Tarantino. Bon, je perds encore la voix. C'est vraiment son premier long métrage, si on veut, qui tourne autour. En fait, c'est une histoire assez serré dans un environnement assez restreint aussi. C'est simplement pour avoir manqué un hold-up planifié. C'est des cambrioleurs qui décident de régler leur compte entre eux parce qu'il y a plusieurs choses qui ressortent. Et surtout de découvrir lequel d'entre eux les a trahis à la police. Donc, il y a énormément de mise en situation qui n'implique que deux personnages à la fois. Des scènes qui sont souvent, je dirais, assez explicites. Mais c'est un excellent film, c'est très bien interprété. Et déjà là, avec Reservoir Dogs, on pouvait voir que Tarantino avait un génie de création cinématographique, entre autres, parce que pour le reste, je le connais pas personnellement, évidemment. Un génie assez démarqué et assez marquant, une vision du cinéma qui était très inhabituelle et qui jouait énormément avec la chronologie. Tarantino a toujours été très fort dans le jeu de chronologie des éléments et de les remettre en place dans des moments très précis pour être capable de vraiment surprendre le spectateur, le téléspectateur en l'occurrence ici. Et ça fonctionne très bien. Et plusieurs ont tenté de calquer cette façon de mettre en scène ces personnages, mais aussi les situations, et avec peu de succès. Je pense que il a ce talent-là naturel. Il faut vraiment savoir le reconnaître et l'apprécier parce que c'est vraiment quelqu'un qui, en plus, semble être quelqu'un qui se fout pas mal de tout. D'ailleurs, une petite anecdote. La semaine dernière, on lisait sur certains sites internet que le nouveau scénario qui le film est même pas encore en préparation, le proprement dit, au niveau du tournage. Le nouveau scénario de ce qui serait ou ce qui sera la dernière création de Tarantino avait été déjà mis en ligne. Une fuite quelconque, et ça l'a complètement fait péter les plombs, et je peux le comprendre parce qu'on est rendu à un stade où ce que sont mis en ligne les scénarios avant même qu'ils soient complètement peaufinés et acceptés par la compagnie qui produit. Je pense qu'on commence à avoir un problème. Il a tout simplement dit, ben, vous voulez jouer à ça, ben, moi, j'arrête tout. Puis jusqu'à présent, ben, les dernières nouvelles, c'est que M. Tarantino aurait dit, ben, écoutez, vous voulez le savoir, vous voulez voir le film avant même qu'il soit tourné, moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, j'arrête tout. Puis je pense qu'il a raison de le faire. Il y a beaucoup d'espionnage qui se font, il y a beaucoup de fuites qui se font au niveau de plein d'industries, que ce soit musicales, cinématographiques, entre autres et principalement. Et je pense qu'à certains moments donné, il faut savoir où s'arrêter, parce qu'il n'y a plus aucun plaisir à découvrir quoi que ce soit rendu à ce niveau-là. Quand on peut avoir le scénario d'un film qui va paraître dans un an ou un an et demi sur son bureau d'ordinateur, c'est quoi le but après, là? Bref. Reservoir Dogs, je vous le conseille énormément. C'est un excellent film. Et ça va vous mettre sur une voie, probablement pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers que Tarantino, de vouloir découvrir ce qu'il a fait, parce que, honnêtement, tout ce qu'il a fait est bon. Voilà. On va entrer dans une phase, dans quelques instants, qui est d'un type de métal plus progressif. En fait, jusqu'à être très progressif. Ma foi, on va débuter avec une formation américaine qui est défunte, qui, elle, à la fin des années 90, a vraiment propulsé l'aspect progressif du métal était un peu des groupes un peu instigateurs et peut-être innovateurs. Je parle de la formation Death. Une pièce qui est tirée de l'album The Sound of Perseverance qui est paru en 98. Je parle de la pièce Scavenger of Human Sorrow. Par la suite, on va se taper du Atheist, Mastodon et Opeth. Mais tout de suite, comme je l'ai dit, Death. you have to live before you die young. Devil cracked the earth, the shelf I told you was the one. Open to the room and said you have to live before you die young. We'll be right back. Julie Factory, c'est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales et adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous. Cascade, Noro, Fliss Artiste, Zara sont disponibles sur place. De plus, nous avons tous les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10% de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Julie Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolet. Préparez-vous au Mardi de la relève du Gambrinus. Tu connais un ben qui veut percer ou tu as toi-même ton ben qui veut se faire remarquer? Eh bien, tu as jusqu'au 25 février pour t'inscrire au Mardi de la relève du Gambrinus. Plus de 10 000 $ en prix à gagner. Pour information, visite legambrinus.qc.ca ou écris au productionsjoshua@hotmail.com. Les Mardis de la relève du Gambrinus, une présentation des productions Joshua et C'est fou 89.1. Écoutez, Mme Poitras, c'est pas facile de vous annoncer ça. J'ai une grosse nouvelle. Votre mari passera pas la nuit. Oh non! Pas mon mari! Non, il passera pas la nuit. À l'hôpital, vous pouvez y aller. Oh, désolé, c'est juste pour voir votre face. Ça me laisse, hein? Yes. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 10 février, venez voir les rouges et les oranges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 06, si vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Nous avons entendu un délectable bloc à saveur fortement progressive. Avant cette pause publicitaire, la formation Hopeth et la pièce Ghost of Perdition. Pièce d'ouverture de l'album Ghost of Reveries qui est paru en 2005 sur Roadrunner. Et malheureusement, selon le site officiel, les dates avancées jusqu'à présent, soit du 16 mars jusqu'au 9 août, eh bien, ils ne viendront pas au Canada. Et qui sait après? C'est à souhaiter. Nous avions Mastodon auparavant et la pièce Siberian Divide que l'on retrouve sur Blonde Mountain qui est parue, lui, en 2006 sur Warner. Hideist et la pièce Elements, pièce titre, ben oui, effectivement, de l'album portant le même nom, bien entendu, paru en 93 sur l'étiquette Music for Nation. Et ici, si vous connaissez quelque peu Frank Zappa, vous aurez reconnu quelques petites influences à l'occasion dans cette pièce qui est, ma foi, fort appréciable. Nous avions ouvert avec Death et la pièce Scavenger of Human Sorrow, la pièce d'ouverture de l'album The Sounds of Perseverance qui est paru en 98 sur Nuclear Blast. Et ça aussi, c'est un bon album de Death. C'est probablement un des très bons qu'ils ont fait. Un peu à l'antithèse de ce qu'ils faisaient au début, là, purement trash, vraiment quasiment speed metal. Chuck Schuldiner a fait une virée, je dirais pas de 180 degrés, mais au moins de 90 degrés pour amener des éléments qui étaient beaucoup plus recherchés et beaucoup plus progressifs, évidemment. Ce qui a fait quand même de bons albums qui étaient, selon moi, assez innovateurs et audacieux pour l'époque. N'ayez crainte, Behemoth s'en vient. D'ailleurs, je les vois arriver, là, les quatre, là, puis ils ont l'air carrément à la vouloir tout massacrer. Donc, ça pourrait être très dangereux pour moi principalement, et peut-être pour vous, on sait à voir. Les spectacles qui sont à venir, présentation de BCI, eh bien, ce vendredi 7 février, c'est Hoggery en compagnie de Honeyman, Terra Mobile et Contemplator. C'est au Foufounes électriques. Le spectacle débute à 18h. Il coûtera 16 et 21 taxes incluses pour y assister via admission. Le samedi 15 février, au Metropolis, c'est Children of Bottom, Death Angel, yeah, et tire, c'est bien. C'est pour tous au coût de 34 et 78 et 39 et 13 plus taxes. C'est disponible via Ticketmaster. Spectacle débutera à 20h. BCI toujours propose Moonspell, Leaves Eyes et Atrocity le mardi 18 février au Fofounes Électriques à 18h45. Ça coûtera 21$ et 26$ taxes incluses pour y assister. C'est disponible via admission. Cataclysm, Aborted et groupe invité qui seront présents le vendredi 4 avril au Club Soda. C'est pour tous à 19h. Ça coûtera 20$ et 25$ taxes incluses. Billetterie du Club Soda. Decibel Magazine Tour. Version 2014, bien entendu, présentera Carcass, Black Dahlia Murder, Gorguts, yeah. Et Noisem, c'est le mercredi 9 avril prochain à 19h. C'est pour tous, c'est au Metropolis. Les billets sont disponibles via Ticketmaster au coût de 30 et 43 et 34 et 78, plus taxes. Et Destruction seront en compagnie de Crazion et Ex Mortus le lundi 14 avril prochain. Au Fofounes Électriques, c'est à 20h. Les billets sont disponibles via admission au coût de 21$ pardon, et 26$ taxes incluses. Petite chronique cinéma. Je vous rappelle qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. Le 12 février. Ben, intéressante. C'est à voir, hein. On présume. Le 12 février, un remake de Robocop. Bon. Peut-être. C'est à voir. Les previews sont intéressants, mais peut-on se fier aux previews qu'on nous montre ou on nous donne juste le meilleur du film? J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, Robocop, c'est le 12 février en salle. Le 21 février, ça m'intéresse. C'est Pompéi, un drame historique, bien entendu, qui met en scène les derniers jours de Pompéi. Qui sera englouti et qui a été englouti surtout par le Vésuve. Le 7 mars, The Rise of an Empire, c'est la suite de du très très bon premier film 300 de Zack Snyder. J'ai bien hâte de voir ça. Le 11 avril, Oculus, un film d'horreur qui je peux pas dire si ça m'inspire ou non. Mais la pochette est cool. Godzilla le 16 mai, oui enfin, ben là j'ai dit enfin. Je devrais dire plutôt, j'espère, un vrai remake de cette légendaire créature japonaise, Godzilla. En fait, encore là, les previews sont prometteurs quelque chose, en tout cas. Et la créature a l'air quand même assez plus fidèle à l'original qu'elle a été dans les années 80, en 98, je crois, mais entre autres, qui mettait en vedette Matthew Broderick, c'était un petit peu ridicule, là. Et le 30 mai, bien, Maleficent, c'est un remake de Sleeping Beauty, film de Walt Disney, mais cette fois-ci, beaucoup plus evil, d'après ce que j'ai pu voir, qui mettait en vedette Angelina Jolie. Qu'est-ce qui pourrait être... Ah ben oui, mais ça va sûrement être excellent. Le 23 mai prochain, c'est X-Men Days of Future Past. C'est la suite de cette saga des X-Men tirée des Marvel Comics qui mettra en vedette Patrick Stewart, Ian McKellen et Hugh Jackman. C'est un film de Bryan Singer, donc ça risque d'être assez pas pire, merci. Je vous avais dit la semaine dernière que je vais vous parler du film, cette semaine, du film The Cloth, mais finalement, je n'ai pas eu le temps encore de l'écouter. C'est un film d'horreur. Je peux pas vous dire quoi ça a l'air. Peut-être que je le ferai la semaine prochaine si j'ai le temps de le faire. Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est que la série 666 Park Avenue, j'en suis rendu pratiquement aux deux tiers de cette série, cette première saison. Je ne sais pas s'il va y en avoir une deuxième, j'en ai aucune idée. Ben, c'est une série de David Wilcox qui met en vedette l'excellent Terry O'Quinn. Eh bien, c'est une série fantastique, horreur, c'est l'histoire de grands édifices luxueux à logement à New York, le Drake, qui, dont son propriétaire est nul autre que le Diable, interprété par Terry O'Quinn. Et un jeune couple débarque pour devenir manager de cette prestigieuse établissement. Et il y a des choses assez particulières et peu à peu, on se rend compte que chacun des résidents de ces appartements ont quelque chose à voir, ou plutôt doivent quelque chose au diable, donc ils ont signé une forme de pacte. Et je dois dire que Terry O'Quinn là-dedans, c'est lui qui supporte la série. Parce que, honnêtement, là, il faut que je vous dise que Raquel Taylor, qui joue une, co-starring, si on veut, là, avec Terry O'Quinn, ça fait un peu, un poche enfantin par moment, là, pour reprendre les termes de ma chronique sur le site de réanimation. Ça fait un petit peu, je dirais, ça fait un peu ado. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu ado. Par contre, quand on passe par-dessus ça, Terry O'Quinn, qui est absolument excellent dans son rôle très, je dirais, énigmatique, mais en même temps très flamboyant, du malin, eh bien, ça fait une série qui est quand même assez intéressante, je dois dire. Une série en 9 épisodes, si je ne m'abuse. C'est présenté par ABC Channel. Moi, je le recommande. Écoute, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il y a des moments qui vont vous apparaître peut-être un petit peu, je le disais, là, un peu enfantin, là. Mais en passant par-dessus, ça fait une bonne série. Un film que j'ai écouté aussi la semaine dernière, j'avais pas vraiment d'attente. Je me disais, bon, ça met en vedette Harrison Ford. Ben, du moins en vedette, je l'espérais, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je dirais que c'est un encore là. Est-ce qu'on peut dire d'Harrison Ford qui fait du acting de soutien? J'en doute, là, mais bon. C'est Ender's Game, qui est un film de Gavin Hood qui met, bon, Harrison Ford, Asa Butterfield et Hailee Steinfeld. Mais écoute, c'est un film familial. C'est un film de science-fiction familial, je dois le dire. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Ça aurait pu être signé Walt Disney, ça m'aurait vraiment pas étonné, c'est pas le cas, là. Mais c'est correct, là. On s'entend, c'est correct. Là. Faites pas de détour pour aller voir ça, là. Si vous avez d'autres choix initiaux, mais c'est correct. C'est correct. Ender's Game. Musicalement parlant, ben en fait, je sais pas passé grand chose en ce qui me concerne, là. Mis à part que le 24 février prochain, il y a un nouvel album de Acheron qui sort. C'est pas toujours bon, Acheron, mais ils ont des bonnes sorties. Je disais la semaine dernière, le 14, c'est Cynic. Nouvel album de Cynic qui devrait être pas si pire. La semaine prochaine, j'ai pas eu le temps de faire la chronique encore, mais je vous parlerai d'un album que j'ai découvert, un album de death metal qui s'appelle, Disfiguring the Goddess, qui est un brutal death metal. C'est une formation américaine. L'album s'appelle Black Heart Child. C'est un self-release. Je vous en parlerai plus approfondiment la semaine prochaine parce que là, le temps me presse et je dois faire autre chose. Et vous vous en doutez bien, je dois vous parler du nouvel album de Behemoth. Comme je le disais plus tôt en émission, c'est un album qui est sorti du four il y a très peu de temps, en fait aujourd'hui, qui est sous l'étiquette Nuclear Blast, et c'est leur 10e album studio complet que cette formation polonaise sort. Le dernier album datait quand même de 2009. Bon, on comprend avec les problèmes de santé que Nargal a eu, que Evangelion est un très bon album, mais de 2009 à 2014, c'était long pour les fans, c'était long pour moi aussi. Mais les graves problèmes, comme je le disais, que Nargal a eu au niveau de sa santé, expliquent énormément de choses, bien entendu. Et c'est quand même surprenant, parce qu'on parle quand même de cancer ici, là, que malgré que l'attente était longue, qu'en si peu de temps, il se soit remis sur pied comme ça pour reproduire, partir en studio, recomposer, ramener ses troupes pour faire l'album de Satanist, qui est paru aujourd'hui même, et qui comporte 9 pièces, et qui sont quand même, je dirais, excellentes. C'est un album qui est très violent, bien entendu. C'est un album qui est conceptuel comme ce que font Behemoth à l'habituel. Et on s'entend que c'est un petit peu anti-religion. Bon. Il y avait un 12 pouces, un mini, un EP qui était paru il y a quelques mois, qui portait le titre tout simplement de Blow Your Trumpets Gabriel. Eh bien, c'est la pièce d'ouverture de cet album. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer 4 pièces de ce nouvel album de Behemoth. Dans l'ordre, on va entendre Blow Your Trumpets Gabriel, Through All Des Venus, Miss Noir, un titre francophone, et Ora Pro Nubis Lucifer. Donc, allons-y, Behemoth, go!

Cet hiver, les enjeux seront plus élevés que jamais. Les plus grands athlètes du monde, l'honneur du pays, le passage du flambeau. Oh, oh, on se calme avec le drame olympique. Olympique? Je pensais qu'on faisait un remake du film sur Terry Fox. Non, non, c'est juste le passage du flambeau de co-animateur. On va se partager l'animation d'Assemblage requis, toi et moi, avec Mathieu. Une chance que tu me dis ça, là. J'étais à ça de me couper la jambe pour faire plus réaliste. Cet hiver, Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis se partagent le studio avec Mathieu Plante. Écoutez-les à Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Tous les dimanches, de 17h à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, Branchez le monde vous présente le meilleur de la musique, de la culture et de l'actualité, tant nationale qu'internationale. Impossible de manquer l'émission, même si votre vie est en danger. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le dîner de cons sur C'est Fou 89. Toute une semaine. Le dîner de cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170, boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. h 39, l'émission tire à sa fin, mais j'espère que vous aurez su apprécier à sa juste valeur et vous délecter de ces quatre pièces tirées du nouvel album de Behemoth, The Satanist, très, très nouvellement paru, soit aujourd'hui. On n'a pas entendu les quatre premières pièces on les a entendues dans l'ordre, mais je vais vous les donner dans le désordre, soit la dernière étant Ora Pro Nobis Lucifer. Juste auparavant, la pièce au titre francophone, Messe Noire, mais qui n'a absolument rien de francophone pour le reste, Fureur des Vénus, et nous avions ouvert ce bloc et cet album avec Blow Your Trumpets, Gabriel. En ce qui me concerne, ma préférée jusqu'à présent, dans les écoutes que j'en ai fait, c'est vraiment Ora Pro Nobis Lucifer. Vous aurez constaté que c'est un album qui est assez puissant, qui est dans l'excellente veine de ce que Behemoth nous a fait dans les albums précédents. Autant de recherche, autant de raffinement au niveau de ce type de métal qui donne dans un black death metal très explicite et je dirais, ma foi, très évocateur de l'état d'âme de ces musiciens. C'est disponible sur l'étiquette Nuclear Blast. C'est quelque chose que je recommande au plus haut point pour amateurs de métal, bien entendu, parce que c'est de la qualité. Et ça, de la qualité dans la musique, ben on s'entendra, vous et moi, que c'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que serait Réanimation sans, évidemment, son death metal? Eh bien, c'est sur cette dernière présentation, ce dernier bloc qu'on va se laisser. En fait, bon, je vais revenir là avant la fin de l'émission, là, mais on va clore cette émission avec ses choix musicaux qui seront, je l'espère, dans leur entier, soit Benediction, Incantation, Necrophobic et Nile. La semaine prochaine, je serai là, bien entendu. Ah oui, c'est vrai, j'ai un nouveau co-animateur. Je me suis trouvé un co-animateur de fortune que j'ai appelé tout simplement pour rendre hommage à mes émissions de ma tendre enfance, Gustave. Oui, c'est le fantôme de Bobino, c'est fort intéressant. Hein? Je crois pas qu'il va revenir dans les autres émissions. Je serai là la semaine prochaine avec je sais pas encore quoi, j'en ai aucune idée. Peut-être la présentation de l'album que j'aurai chroniqué d'ici là, soit celui de Discovering the Goddess, j'en ai aucune idée. Mon écoute est pas encore assez exhaustive pour savoir si j'ai vraiment aimé ou non. Donc, je vais revenir là-dessus, mais quoi qu'il en soit, je vais être là la semaine prochaine et je vais vous présenter encore des choses qui seront ordinaires, voire peut-être même plates pour certains, mais j'en ai rien à foutre de ça. Donc, allons-y, Guim, hein? ce n'est pas préjuratif, bien entendu. Avec une formule death metal à l'instant même, Benediction et la pièce I Am the Disease. Go! Incantation et la pièce The Stench of Crucifixion que l'on retrouve sur Primordial Domination qui est paru en 2006 sur Listenable Record. Juste auparavant, nous avions Benediction et la pièce I Am the Disease que l'on retrouve sur Organized Chaos qui est paru en 2001 sur Nuclear Blast. Too late, on ne pourra pas avoir du Nile ce soir, mais c'est pas grave, ça va revenir, ne vous en faites pas. Présentement, c'est le début d'une pièce qui porte le titre de Infinite Infernalist que l'on retrouve sur l'album ayant pour titre Womb of Lily 2, paru en 2013 sur Season of Mist. Il s'agit de Necrophobic. On cesse avec ça. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, allez évidemment tous vous faire foutre. Go!